Deuxième livre des Chroniques, chapitre 34. Josias était âgé de 8 ans quand il commença à régner, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit devant l'Éternel, et suivit la voie de David son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Et la 8e année de son règne, lorsqu'il était jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père, et en la 12e année il commença à nettoyer Juda et Jérusalem des hauts lieux, des bocages, et des images de taille et de fonte. Et on démolit en sa présence les autels des Baalins, et on mit en pièces les tabernacles qui étaient au-dessus d'eux, il coupa aussi les bocages, et brisa les images de taille et de fonte, et les ayant réduites en poudre, il répandit cette poudre sur les tombeaux de ceux qui leur avaient sacrifié. Il brûla aussi les os des sacrificateurs sur leurs autels, et purifia Juda et Jérusalem. Il fit la même chose dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, et de Siméon, et jusqu'à Nephtali, tout autour, avec leurs propres marteaux. Il abattit les autels et les bocages, et brisa les images jusqu'à les réduire en poudre, et mit en pièces tous les tabernacles partout le pays d'Israël, puis il revint à Jérusalem. Et la 18e année de son règne, depuis qu'il eut nettoyé le pays, et le temple, il envoya Saphan fils d'Atsalja, et Maaséja le capitaine de la ville, et Joa fils de Joachaz, commis sur les registres, pour réparer la maison de l'Éternel son Dieu, et ils vinrent vers Ilkija le grand sacrificateur, et on délivra l'argent qu'on apportait dans la maison de Dieu, lequel les Lévites, gardes des vaisseaux, avaient amassé de la main de Manassé, et d'Éphraïm, et de tout le reste d'Israël, et de tout Juda, et de Benjamin, puis ils s'en retournèrent à Jérusalem, on le délivra, dis-je, entre les mains de ceux qui avaient la charge de l'ouvrage, et qui étaient commis sur la maison de l'Éternel, et ceux qui avaient la charge de l'ouvrage, et qui travaillaient dans la maison de l'Éternel, le distribuaient pour refaire et réparer le temple. Et ils le distribuaient aux charpentiers et aux maçons, pour acheter des pierres de taille, et du bois pour les lambris, et pour planchayer les maisons que les rois de Juda avaient gâtées. Et ces gens-là s'employaient fidèlement à cet ouvrage. Or Jahat et Obadia Lévite, d'entre les enfants de Merari, étaient commis sur eux, et Zachari et Mésulam, d'entre les enfants des Kéatites, avaient la charge de les solliciter au travail, et ces Lévites étaient tout intelligents dans les instruments de musique il y en avait aussi qui étaient commis sur ceux qui portaient les faits. Et des solliciteurs sur tous ceux qui vaquaient à l'ouvrage dans quelque service que ce fût, les scribes, les prévôts, et les portiers étaient entre les Lévites. Or comme on tirait l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, Ilkija le sacrificateur, trouva le livre de la loi de l'Éternel, donné par le moyen de Moïse. Alors Ilkija prenant la parole dit à Saphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Saphan. Et Saphan apporta le livre au roi, et il fit le rapport de tout au roi, en disant, « Tes serviteurs font tout ce qu'on leur a donné à faire. » Et ils ont amassé l'argent qui a été trouvé dans la maison de l'Éternel, et l'ont livré entre les mains des commissaires, et entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage. Saphan le secrétaire fit aussi entendre au roi, en disant, « Ilkija le sacrificateur m'a donné un livre, et Saphan le lut devant le roi. » Et il arriva que dès que le roi eut entendu les paroles de la loi, il déchira ses vêtements, et commanda à Ilkija, à Ahikam fils de Saphan, à Abdon fils de Mika, à Saphan le secrétaire, et à Azaja serviteur du roi, en disant, « Allez, enquérez-vous de l'Éternel pour moi, et pour ce qui est de reste en Israël, et en Juda, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé, car la colère de l'Éternel est grande. Et elle a fondu sur nous, parce que nos pères n'ont point gardé la parole de l'Éternel, pour faire selon tout ce qui est écrit dans ce livre. » Ilkija donc et les gens du roi, s'en allèrent vers Ulda la prophétesse, femme de Salom, fils de Tokat, fils de Asra, garde des vêtements, laquelle demeurait à Jérusalem au collège, et lui parlèrent selon ces choses. Et elle leur répondit, « Ainsi a dit l'Éternel le Dieu d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire venir du mal, sur ce lieu-ci et sur ses habitants, savoir toutes les exécrations du serment, qui sont écrites au livre qu'on a lu devant le roi de Juda. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont fait des encensements aux autres dieux, pour m'irriter par toutes les œuvres de leurs mains, ma colère a fondu sur ce lieu-ci, et elle ne sera point éteinte. Mais quant au roi de Juda qui vous a envoyé pour s'enquérir de l'Éternel, vous lui direz ainsi, l'Éternel le Dieu d'Israël dit ainsi, touchant les paroles que tu as entendues, parce que ton cœur s'est amolli, et que tu t'es humilié devant Dieu, quand tu as entendu ces paroles contre ce lieu-ci, et contre ses habitants, et que t'étant humilié devant moi, tu as déchiré tes vêtements, et as pleuré devant moi. Je t'ai aussi exaucé, dit l'Éternel. Voici, je vais te retirer avec tes pères, et tu seras retiré dans tes sépulcres en paix, et tes yeux ne verront point tout ce mal, que je vais faire venir sur ce lieu-ci, et sur ses habitants, et ils rapportèrent le tout au roi. Alors le roi envoya assembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Et le roi monta en la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda, et les habitants de Jérusalem, et les sacrificateurs et les lévites, et tout le peuple, depuis le plus grand jusqu'au plus petit, et on lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance, qui avaient été trouvées dans la maison de l'Éternel. Et le roi se tint debout en sa place, et traita devant l'Éternel cette alliance-ci, qu'il suivrait l'Éternel, et qu'il garderait ses commandements, ses témoignages, et ses statuts, chacun de tout son cœur, et de toute son âme, en faisant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Et il fit tenir debout tous ceux qui se trouvèrent à Jérusalem et en Benjamin, et ceux qui étaient à Jérusalem firent selon l'Alliance de Dieu, le Dieu de leur père. Josias donc ôta de tous les pays qui appartenaient aux enfants d'Israël toutes les abominations, et obligea tous ceux qui se trouvèrent en Israël à servir l'Éternel leur Dieu, et ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père, pendant qu'il vécut.